semen map chèche ou. Tout sa mwen fèm baka jwen ou. Telefone ou pa repon. Tape mande kote ou fan. Chéri mwen te bien besoin. Yon bagay ase important. Ou te konnen mwen yon viwe ou. Aswe ase bien le moment. Ou ta plein kay pa jan pi. Aswe a yo ple ki te vi. Pas dit mon pas capable, ni on pas vle ou senti ou coupable. Et si maman ou fait mauvais sang, assoye à tout monde sous calme. Chérie, moi t'es bien besoin, yon bagay assez important. Ou te konnen mwen yon viwe, assoye assez bien le moment. Nous fait longtemps nous pas lové, assoye à nous pas négocier. J'ai la clé doudou. Let's see.